Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'empereur Marc Aurèle, au deuxième siècle de notre ère, rédige chaque jour des pensées dans le but de transformer son âme afin de l'amener vers davantage de tranquillité. Grand lecteur d'Épictète, il croit à la suite des stoïciens en l'existence d'un destin inscrit dans l'ordre de la nature, une nature qu'il décrit comme étant parfaite, harmonieuse et qui contribue au bel ordre du monde. Mais comment être libre si tout était écrit ? Quel sens reste-t-il à l'action politique si la perfection est déjà de ce monde ? Et d'abord, la nature est-elle si parfaite ? On commence avec Florence Foresti. Ah, je sais ce que vous vous dites, mon Dieu, qu'elle est belle ! Si, vous vous le dites. C'est vrai que quand on me regarde, on peut pas s'empêcher de dire « Mon Dieu, la nature est bien faite !» Hein, évidemment. Non, c'est pas vrai, la nature est pas bien faite. J'ai regardé, c'est n'importe quoi. Hein, c'est du travail de tocard, ça a été mal foutu. Quand tu regardes l'être humain, tu te rends compte qu'ils ont arrêté en plein chantier, c'est n'importe quoi. Non, parce que si la nature était bien faite, on serait équipé pour faire face à tout ce que la nature nous inflige. Par exemple, pour la pluie, on n'est pas équipé, on s'énerve, on est trempé, on court, non. Si la nature était bien faite, on aurait des cheveux en plastique, comme les Playmobil. Hein ? Avec des petites gouttières sur les côtés pour évacuer la pluie. On aurait une peau en téflon, on serait jamais mouillé, on serait jamais brûlé, rien, ils ont pas pensé à tout ça. Puis on aurait des rangements sur le corps. Pourquoi ils ont pas fait une petite boîte à gants, un tiroir, quelque chose ? Une poche pour ranger le portable et les clés de bagnole ? Ils ont pas pensé à ça ? Pourquoi ils l'ont fait sur le kangourou et pas sur nous ? C'est con, quoi ? Bonjour Valérie Laurent. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes professeur à l'université Bordeaux-Montaigne, l'auteur de plusieurs ouvrages sur le stoïcisme, la politique stoïcienne, c'était au PUF en 2005, Stoïcisme et lien social aux éditions Classique Garnier. L'argument de Florence Foresti est imparable. Pourquoi parler de perfection de la nature alors que nous constatons tant de défauts au moins sur notre corps humain ? Oui, écoutez, sur le corps humain, il faudrait aller du côté de, alors pas de Marc Aurèle, mais de Cicéron dans le De Natura Deorum, le Nature des Dieux, au livre 2, et on aurait tout un passage sur la station debout de l'homme qui seul peut contempler les astres, contempler précisément l'ordre du monde, et n'en déplaise à Florence Foresti, on n'est pas si mal foutu quand même. Bah, en tout cas, c'est le cœur de la discussion qu'on va avoir aujourd'hui, parce que réfléchir au destin, alors encore nous faut-il définir ce qu'est le destin, implique quand même de tenir la nature comme une bonne chose, quelque chose où en tout cas il y a une forme d'harmonie où tout se tient ensemble, nous dit Marc Aurèle. Oui, parce que il y a là en fait le mélange de deux idées qui sont d'ailleurs assez souvent mélangées dans le stoïcisme, qui est à la fois donc la notion de destin, j'y reviendrai, et la notion de providence. La notion de providence, c'est effectivement ce bel ordonnancement du monde, tout est bien et tout est très bien ordonné vers un accomplissement. Et la notion de destin, là, qui fait plus appel à la notion de cause, en fait. Hein, il y a un nœud, un enchaînement de causes, diraient les stoïciens. Et ce destin se développe conformément à la providence. Voilà, la providence étant, on pourrait dire, l'intelligence du Dieu. Mmh. Et le Dieu étant une sorte... c'est le monde, hein, et c'est un organisme, hein, ce monde qui est sans cesse en accroissement jusqu'à la fin du monde. Et cet organisme qui est sans cesse en accroissement, en mise en ordre, en diakosmésis, disent les stoïciens, se développe en fonction précisément de la providence qui pourrait être comparée à la raison ou à l'ADN presque d'un germe. Un germe se développe conformément finalement à son programme ADN. Eh bien, la providence, ce pourrait être le programme ADN du développement du monde et de tous les êtres qui sont dans le monde. On dirait que vous parlez d'un film de science-fiction. Mais non, pas du tout. Je vous assure, c'est comme ça. C'est ce qu'on pourrait appeler une image biologique. Les stoïciens aiment beaucoup les images biologiques, ouais. Un petit peu. Hein. Et c'est le germe, pourquoi ? Parce que c'est en grec, c'est c'est la notion de sperma, oui. C'est-à-dire vraiment de germe, hein. Le logos spermaticon, c'est la raison en germe qui se développe conformément aux lois de la raison, finalement. La façon qu'a Marc Aurèle de décrire cet enchaînement, il dit ceci, hein, il dit « Toutes choses s'enchaînent entre elles et leur connexion est sacrée et aucune, peut-on dire, n'est étrangère aux autres. Car toutes ont été ordonnées ensemble et contribuent ensemble au bel ordre du même monde. Une est la vérité, la perfection pour les êtres de même famille et participant de la même raison. quand on lit ces lignes-là, qu'on trouve, alors quand on, dans les pensées pour moi-même de Marc Aurèle, on le trouve à plusieurs reprises, puisque les pensées ne sont pas ordonnées, comme leur nom l'indique, hein, ce sont des pensées au gré, de l'humeur de Marc Aurèle, qui écrit quasiment tous les jours sans doute. On retrouve beaucoup cette idée-là, de la part d'un lecteur d'aujourd'hui du 21e siècle, qui a une petite connaissance de l'histoire de la philosophie. On pense à, l'agencement des mondes selon une perfection, une harmonie. C'est Leibniz. C'est ce type d'univers ordonné, selon une intelligence, qui n'est pas humaine. Oui, alors, sauf que pour les stoïciens, il n'y a qu'un monde et c'est le Dieu. Enfin, du moins, le monde et le corps du Dieu. Et cet ordonnancement, effectivement, les stoïciens utilisaient une autre image qu'on trouve, là non plus, pas chez Marc Aurèle, mais qui reprend assez bien ce que vous venez de citer de Marc Aurèle. On le trouve dans Cicéron, c'est l'image d'un câble. En fait, le temps est comparable au déroulement d'un câble. Le câble, c'est le destin où tout est déjà ordonné. Et finalement, il se déroule selon le temps. Voilà. C'est une variation autour de cette question de la raison du germe, hein, ce germe que j'ai déjà mentionné. Toute la question est de savoir comment l'homme, s'il est pris dans ce programme, aussi harmonieux soit-il, peut-il agir librement ? C'est une énormissime question, qui est... Surtout neuve. Pour Marc Aurèle, qui lui occupe des fonctions politiques, il est empereur, donc il croit en l'action politique, même s'il a accepté ce poste contre son gré, on l'a dit hier. Si tout est écrit, alors rien ne sert d'agir. Alors comment à la fois mener une action politique, des guerres qu'on ne veut pas mener dans le cas de Marc Aurèle, et en même temps, penser que tout est déjà écrit d'avance. Absolument. Là, vous citez en creux ce que les antiques appelaient l'argument paresseux. Au fond, si mon destin est de guérir de cette maladie, ou bien si mon destin est d'en mourir, à quoi bon appeler le médecin, puisque de toute façon, mon destin s'accomplira. Alors, les stoïciens avaient comme réponse ce qu'on a appelé avec Cicéron en latin les confatalia, c'est-à-dire les choses qui sont décidées en même temps que le destin. Tout est décidé en même temps que le destin. Le fait que j'appelle le médecin était aussi dans mon destin. Alors, ça pourrait donner l'impression d'alourdir encore plus la notion de destin, puisque tout est décidé par le destin. Et en même temps, effectivement, on tient, étonnamment, paradoxalement peut-être, que le stoïcisme est une philosophie de l'action. Une philosophie de l'action et aussi une philosophie politique, puisque on a ce devoir, le sage participera à la vie politique si rien ne l'en empêche. On aura l'occasion, je suppose, de voir cette notion d'empêchement. Alors, on a dit souvent que Chrysippe avait adopté une position compatibiliste. Chrysippe, c'est le stoïcisme ancien. C'est le stoïcisme ancien, c'est le troisième scolarque du portique, du stoïcisme. Et avait une position donc compatibiliste, c'est-à-dire qu'il maintenait à la fois la nécessité du destin et la liberté individuelle. On va essayer de voir comment cette position est construite. Alors, je vous propose qu'on commence en écoutant un texte. Un texte de Marc Aurèle, issu des pensées, évidemment, qui nous accompagne cette semaine. Dans ce texte, Marc Aurèle pose que la nature, qui donc est bien faite, on l'aura compris pour les stoïciens, rassemble les hommes. Et pourtant, se demande Marc Aurèle, et pourtant si la nature est rassembleuse et pense ensemble la cohésion de l'humanité, pourtant ils se font la guerre. Alors comment expliquer que d'un côté leur nature les enjoigne à se rassembler, que de l'autre cette même nature les enjoigne à se faire la guerre? Écoutez le texte, vous nous expliquerez ensuite Valérie Laurent. Tous les êtres qui ont part à une réalité commune tendent à se ressembler. Tout être de terre tend vers la terre. Tout liquide s'écoule. Tout être aérien fait de même. Donc tous les êtres qui ont part à une nature intellectuelle commune tendent tout autant, et même davantage, à se ressembler. Car plus un être est élevé, plus il est disposé à se mêler et à se confondre avec les êtres qui lui sont apparentés. De fait, déjà chez les bêtes, on trouve des essaims, des troupeaux, des élevages de jeunes, des amours. Car déjà ici, il y a des âmes, et l'on trouve une union qui va croissant avec leur supériorité, telle qu'il n'y en a pas dans les végétaux, ni dans les pierres, ou dans le bois. Mais chez les êtres raisonnables, l'on voit des gouvernements, des amitiés, des familles, des sociétés, et dans la guerre, des traités et des armistices. Chez les êtres encore supérieurs, il y a entre eux une sorte d'unité, même quand ils sont séparés dans l'espace, par exemple chez les astres. Ainsi, l'ascension vers la supériorité peut créer une sympathie même entre des êtres séparés. Voici donc ce qui arrive maintenant. Seuls les êtres raisonnables ne se souviennent plus de ce qui les attache les uns aux autres et de leur accord. Chez eux seuls, on ne voit plus de convergence. Pourtant, bien qu'ils se fuient, ils restent enfermés ensemble, car la nature est forte. De fait, il serait plus facile de trouver de la terre qui ne touche à aucune terre qu'un homme séparé de l'homme. France Culture, les chemins de la philosophie et les pensées pour moi-même de Marc Aurèle qui nous accompagne cette semaine. Aujourd'hui, le destin m'empêche-t-il d'agir? C'est le philosophe Valérie Laurent qui est avec nous en studio pour répondre à cette question. Suite à ce texte lu par Jacques Gamblin, reprenons depuis le début, Valérie Laurent. Parce que c'est quand même assez technique cette affaire, hein, puisque ce qu'on disait hier et sans doute ce qu'on dira demain. Affrontons la difficulté. La première affirmation, revenons-y quand même, c'est de dire que la nature, tous les êtres rationnels qui se ressemblent, non, justement, tous les êtres rationnels se ressemblent. La nature veut assembler, même assemble, de fait, tous ceux qui possèdent en commun une nature rationnelle. Comment explique-t-on ce rassemblement naturel? Oui. Alors, le texte dit même plus précisément, toutes les natures qui se ressemblent s'assemblent, en fait. On part des éléments comme l'eau, la terre, etc. On en vient aux bêtes. Je ne me rappelle plus s'il y a les plantes à un moment. On en vient aux bêtes. Et ensuite, les végétaux. Oui, les végétaux. Et ensuite, on a les êtres rationnels. Là, Marc Aurèle reprend ce qu'on appelle l'échelle de la nature, la scala naturae. Alors c'est important parce que effectivement ce monde qui est parfaitement en ordre, ce monde qui est parfaitement réglé, on a dans Marc Aurèle en 638 une autre vision de ce monde. Donc 638 c'est le livre 6 des livre pensées, 6 pensée 38. Voilà. Je lis très très rapidement. D'une certaine façon, toutes les choses sont connectées et pour cela, elles sont chères les unes aux autres, car elles se suivent l'une l'autre en vertu d'un mouvement de tension, d'un souffle commun, d'une union substantielle. En effet, tous les êtres, de la pierre jusqu'à l'être rationnel, sont en fait des états d'un souffle commun, pneuma, comme dit Marc Aurèle, et ce pneuma, ça n'est rien d'autre que le souffle du Dieu. Un pneuma composé d'air et de feu. Au fond, le monde consiste en un certain nombre infini de modifications du souffle divin, de la pierre jusqu'à l'être rationnel. Alors, dans cette scala naturae, cette échelle de la nature, effectivement, ce que dit Marc Aurèle, il nous dit, bien, toutes les natures, tous les êtres, les minéraux, les végétaux, les animaux, se rassemblent, et les êtres rationnels, et ça n'est pas rien les êtres rationnels, ce sont les hommes et les dieux. Les êtres rationnels, normalement, devraient se rassembler à un plus grand titre, parce qu'au fond, plus on monte dans l'échelle de la nature, plus on a une âme, ou du moins un état du souffle, puisqu'il ne s'appelle pas toujours âme. Pour les minéraux, ça s'appelle l'exis, pour les végétaux, ça s'appelle la nature, la fusis, pour les animaux, ça s'appelle la psyché, l'âme, et pour les êtres rationnels, c'est-à-dire les hommes et les dieux, ça s'appelle la psyché logique, l'âme rationnelle. Et plus on va, plus ce souffle est chaud, subtil. Et normalement, donc, si les choses allaient bien, les êtres rationnels devraient arriver à une union qui serait presque, dit Marc Aurèle, une énosis, c'est-à-dire une unité. Mais ça marche pas. Ça marche pas parce que il y a une sorte d'intrus dans cette échelle de la nature, et cet intrus dans cette échelle de la nature, c'est l'homme. L'homme qui, s'il était parfaitement homme, s'il était parfaitement réalisé, parfaitement accompli, serait un dieu. Serait un être divin. Manque de chance, la plupart des hommes sont des insensés. Qu'est-ce qui manque à l'homme pour être un dieu? Il fait un mauvais usage de sa raison. La plupart des hommes sont des insensés, alors ça vient de très loin, ils sont insensés parce que au fond on les a pervertis dès l'enfance. Les parents, les nourrices, les mères, les poètes, les profs, tout ça les ont pervertis. Bon, il y a cette première source et puis il y a une autre source qui est la vraisemblance des représentations. Bref, les hommes ne savent pas faire usage du trésor qu'ils ont en eux et qui est la raison. C'est-à-dire, ils ne savent pas vivre à hauteur d'homme, ils ne savent pas vivre à hauteur du divin, finalement, puisque raison en eux, c'est quelque chose de divin. De fait, on arrive dans une situation, dans ce texte-là, Marc Aurèle 9.9, on arrive dans une situation qui est très très proche de quelque chose qu'on retrouvera bien plus tard chez Kant, et qui s'appelle une sorte d'insociable sociabilité. Ils sont sociables, ils devraient se mêler, et manque de peau, ça marche pas. Je ne peux pas vivre sans les autres, je ne peux pas vivre avec les autres. Absolument. Voilà. Je ne peux pas vivre sans les autres, ça c'est l'instinct naturel, je dirais. Et je ne veux pas vivre avec les autres, c'est la résistance de l'insensé. C'est l'humeur. Absolument. Si on regarde le texte de près, il parle des êtres raisonnables ou êtres intelligents, effectivement, les deux ont l'air synonymes dans ce texte. Il dit « Seuls les êtres raisonnables ne se souviennent plus de ce qui les attache les uns aux autres et de leur accord. Chez eux seuls, on ne voit plus de convergence. Ils ne se souviennent plus. » C'est étonnant, la cause assignée par Marc Aurèle à ce mauvais usage de la raison, c'est une mauvaise mémoire, ils se souviennent plus. D'où vient cet oubli? Oui, je ne sais pas s'il faut prendre très au pied de la lettre la notion de souvenir ici, de mémoire. En tous les cas, ce qui arrive à ces hommes, c'est... Alors, ils ont oublié, oui, du fait de cette perversion dont je vous ai parlé, ils ont oublié ce qu'est leur élan naturel. Leur élan naturel, ce qu'on appelle l'oikeiosis chez les stoïciens, c'est un mouvement, un élan premier d'appropriation à soi-même, c'est-à-dire au fond ce que veut la nature, ce que fait la nature en soi d'ailleurs. Les hommes ont oublié ce que voulait la nature, c'est-à-dire presque l'instinct au fond. Les hommes ne vivent pas à hauteur de leur instinct et donc oublient que fondamentalement, et Marc Aurèle le répète à l'envi dans les pensées, l'homme a une nature sociable. L'homme, il est fait pour vivre avec les autres hommes. Voilà. Et c'est ça que les hommes ont oublié. Alors, on a quand même envie de comprendre pourquoi ils l'ont oublié et pourquoi, alors qu'ils sont dotés de cette raison, ils n'y parviennent pas. Ils ne parviennent pas à utiliser cette raison pour comprendre qu'il ferait mieux de vivre ensemble. Et c'est là où ça devient très intéressant. Et c'est là où, parmi les options qu'on peut avancer pour expliquer cet oubli, on peut suggérer que finalement, si l'homme se retourne contre la nature, c'est un peu ce qui se passe, eh bien c'est parce qu'il est libre. C'est parce qu'il peut. S'il peut faire un mauvais usage de sa raison, ça veut dire qu'en lui est aussi inscrite la possibilité de ne pas user de sa raison, donc une forme de liberté. Frédéric Laurent, est-ce la liberté qui le fait souffrir? Oui, alors je n'irai pas jusque-là. Je ne suis pas sûr que ce soit une liberté pour les stoïciens, parce que cet insensé qui ne vit pas sa nature d'homme, précisément, il est plus embarrassé qu'autre chose. Il souffre. Il souffre parce que effectivement, il a du mal à suivre, et il a du mal notamment à suivre cet instinct qui demeure et qui le fait quand même aller toujours vers les autres. Il y a quelque chose de très intéressant dans la fin de ce texte 9.9, c'est cette sorte de main invisible qui fait que finalement les hommes ont beau pourtant bien qu'ils se fuient, ils restent enfermés ensemble. Absolument. Car la nature est forte. Voilà. De fait, il serait plus facile de trouver de la terre qui ne touche à aucune terre qu'un homme séparé de l'homme. Voilà, la nature est la plus forte. La nature est la plus forte et quoi qu'il arrive, on en a besoin. C'est une nécessité inscrite en l'homme. Alors je ne sais pas si le fait d'aller contre la nature, c'est vraiment le résultat d'un choix. C'est plutôt le résultat d'une résistance insensée pour les stoïciens. L'insensé, c'est celui qui fait obstacle au mouvement naturel qui lui permettrait, lui, d'être totalement libre, c'est-à-dire d'être en harmonie avec sa nature, de correspondre parfaitement avec sa nature. Et vous venez de dénoncer peut-être la solution au problème que nous nous posons. Le destin nous empêche-t-il d'agir? En tout cas, il nous contraint d'être ensemble, et même lorsque nous voulons ne pas l'être, eh bien, il nous force à y retourner. Peut-être qu'une des façons, alors est-ce parler de liberté, mais en tout cas d'endosser une forme de responsabilité, c'est de suivre sa propre nature, Peut-être que c'est en cessant de lutter contre ce que nous sommes absolument. Que nous pourrons aller vers la voie de la liberté. Je vous propose qu'on écoute un autre texte qui dit ceci, qui se demande en fait quoi faire ou quoi dire dans telle ou telle circonstance. Quelle que soit la circonstance, il vaut mieux suivre sa propre nature. Écoutez ce texte. Que peut-on faire ou dire de plus sensé dans telle circonstance? Quoi que ce soit, il t'est possible de le faire ou de le dire. Ne prétexte pas que tu en es empêché. Tu ne cesseras pas de te lamenter avant d'avoir bien senti que telle est la vie sensuelle pour les amateurs de plaisir, tel est pour toi le devoir d'agir, dans la circonstance qui t'est livrée et qui survient selon ce qui est approprié aux ressources de l'être humain. Tu dois en effet considérer comme une jouissance tous les actes que tu peux accomplir en te conformant à ta nature propre. Or, tu le peux toujours. Certes, il n'est pas permis au cylindre de se mouvoir toujours de sa propre impulsion, pas plus qu'il ne l'est à l'eau, au feu, ni à tous les êtres gouvernés par une nature végétative ou une âme sans raison, car il y a alors bien des obstacles et des empêchements. Mais l'intelligence et la raison peuvent avancer à travers toutes les résistances, selon leur nature et comme elles veulent. Fixe bien devant ton regard cette facilité que possède la raison de se mouvoir, comme le feu quand il se meut vers le haut, la pierre vers le bas, le cylindre le long de la pente, et ne cherche rien de plus. Souviens-toi au total que rien ne nuit aux citoyens par nature de ce qui ne nuit pas à la cité, et que rien ne nuit à la cité qui ne nuit pas à la loi. Or, aucun de ces prétendus malheurs ne nuit à la loi, et ce qui ne nuit pas à la loi ne nuit ni à la cité, ni aux citoyens. Valérie Laurent, c'est vous qui allez nous délivrer la pièce manquante pour comprendre comment on passe du constat d'une nature parfaite où tout s'agence nécessairement, où tout est inscrit en nous-mêmes, même sous forme d'ADN, vous avez employé cette expression, à ce texte qui nous parle de devoir d'agir. Si nous devons agir, c'est donc bien qu'il y a de la place pour autre chose que ce qui est écrit. Alors comment faire? Absolument. Dans ce texte qui vient d'être lu, il y a évidemment énormément de choses. Il est très riche. Oui. On a encore du temps, on va le déplier ensemble. Mais il y a une première chose qui me semble tout à fait essentielle, c'est la reprise discrète d'un motif que l'on trouve par ailleurs largement dans, par exemple, De Fato du destin, traité du destin de Cicéron, c'est le cylindre. L'image du cylindre, alors ici elle est employée pour elle-même, mais l'image du cylindre, elle est aussi employée pour parler précisément de cet espace de l'action pour l'homme. Alors, si on veut un petit peu schématiser, parce que c'est un peu technique là encore, qu'est-ce que c'est le destin, au fond? On a tout à l'heure distingué la providence du destin. Le destin, c'est cette chaîne de causes, c'est ce nœud de causes, nexus causarum, dit Cicéron. Eimar mene, c'est donc cet enchaînement de causes en grec. C'est quoi? Eh bien, au fond, on pourrait dire que cet enchaînement de causes, c'est le contexte, vraiment au sens de presque texte, de tissu. Mmh. Le contexte dans lequel on est toujours pris. Là, par exemple, je suis à la radio devant vous, Adèle, et je dois réagir à ce contexte. Il n'y a pas d'action pure, il n'y a pas d'action brute, il n'y a toujours que des réactions chez les stoïciens. Je réagis toujours dans un contexte. Même je si suis... vous sortez, quittez le studio, ce sera une réaction. Bien sûr, à ma question. Voilà, j'en ai marre, je pars et je vous laisse en plan, ou bien je reste. Bon, et précisément, je réagis à un contexte. Ça, le contexte, c'est le destin. Et puis il y a moi qui réagit au contexte, et Cicéron appelle ça une cause principale. Je suis cause principale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je vais faire pour réagir, bien j'en suis profondément la cause. J'en suis le responsable. au fond. Responsable, c'est pas autre chose qu'être la cause. Enfin, c'est autre chose qu'être la cause, être responsable. Au fond, en grec, bon, ça se dirait à peu près la même, ouais. De la même manière. C'est-à-dire, en tous les cas, le choix et l'action me sera imputable. Hein, je suis profondément celui qui va choisir soit de rester, soit de partir, soit de vous répondre, soit de lire, etc. Bien, cause principale. Donc, effectivement, toute action, pourrait-on dire, est en situation, dans un contexte, contextualisé. Ça, c'est le destin. Il reste que moi, j'ai la possibilité de choisir ce que je vais faire, puisque toute action dérive d'un jugement, dérive d'un choix, dérive d'un assentiment que j'ai donné à ce que je vais faire. Que je sois insensé ou que je sois sage, je donne toujours mon assentiment à ce que je vais faire, à la représentation de ce que je vais faire. Mais quelle place reste-t-il pour l'assentiment si tout est écrit ? Alors, ça c'est un autre point. Là, vous portez l'accent sur cette notion de providence. Alors, il en va de la providence comme, on pourrait dire, du récit de l'historien. Au fond, ça n'est pas parce que l'historien écrit ce qui s'est passé que ce récit cause ce qui se passe. Je ne sais pas si vous... En fait, là, je crois qu'il faudrait faire appel à la notion d'éternel retour. Au fond, le monde, j'ai dit qu'il était en diakosmésis, qui s'accroissait, et puis pouf, il se détruit, c'est ce qu'on appelle l'ekpyrosis, par intervalle. C'est-à-dire, il y a un début du monde, et puis il y a une fin du monde, et puis à la fin du monde, à l'ekpyrosis, bien, il y a eu le dieu qui se retrouve tout seul, comme ça, et puis, whoop, comme un germe, il va se redévelopper et grossir. C'est-à-dire qu'on a une infinie répétition de ces cycles. Cette infinie répétition, ça veut dire que il y a une grande année, ça prend une grande année, je ne me rappelle plus exactement combien dure la grande année, mais c'est long. Ça veut dire que il y a dans le cycle N-1, nous nous sommes déjà rencontrés, Adèle, en parlant exactement de la même chose, et d'ailleurs ça s'est passé exactement pareil, et ça se repassera exactement pareil, de manière infinie. Ok, ça c'est la providence. Mais ça ne veut pas dire que dans le cycle N, quelque chose m'oblige à le faire. C'est pas parce que c'est écrit, c'est pas parce que Dieu sait, par exemple, c'est pas parce que le monde est omniscient qu'il est omnipotent. Ça, c'est une distinction que fait un commentateur du stoïcisme qui s'appelle Long et qui est tout à fait intéressante. Le Dieu peut savoir, ok, mais il ne fait pas. C'est moi qui fais. Bah, d'autre part, mais suis-je libre de ne pas faire ? Rien ne me force à faire, mais suis-je libre de ne pas le faire ? Ah oui, je pourrais très bien... Alors ça ne se répète pas dans ce cas. Mais si, ça se répète. Mais au fond, qu'est-ce qui se répète ? C'est mon choix qui se répète. Au fond, le destin, c'est quoi ? Le destin, c'est vous, c'est moi, c'est les arbres, c'est... Parce que c'est ça le Dieu. Le Dieu, c'est le monde. Et en tant que partie du monde, eh bien, je suis partie du Dieu. D'accord ? Et donc, ce que je fais... C'est quand je le fais, je participe à l'écriture du destin, d'accord ? Alors évidemment, comme il y a un cycle répétitif, bon ben voilà, ok, c'était prévu, mais dans ce cycle-là, je ne sais pas que c'est prévu. Vous comprenez ce que je veux dire ? Bien sûr, mais il y a quand même quelque chose qui me distingue du cylindre, pour reprendre l'exemple de Marc Aurèle, et c'est ma raison. Il le dit bien, l'intelligence et la raison peuvent avancer à travers toutes les résistances, donc tous les obstacles qui viennent sur mon chemin, selon leur nature. Et comme elles veulent, fixe bien, dit Marc Aurèle, levant au regard cette facilité que possède la raison de se mouvoir comme le feu quand il se meut vers le haut, la pierre vers le bas, le cylindre le long de la pente, et ne cherche rien de plus. Que dit-il ici ? Il dit qu'il faut utiliser notre raison comme le cylindre utilise le mouvement, en fait comme quelque chose qui est plus fort que moi qu'il faut suivre. Ou bien dit-il au fond, suis ta propre nature. Non, tu as le choix de ne pas la suivre, c'est peut-être ce qui est présupposé s'il dit qu'il faut la suivre. Et c'est ainsi que tu seras libre. Alors, je reprends d'ailleurs, merci, parce que je n'avais pas fini mon truc sur le destin, sur le cylindre, pardon. Dans cette image du cylindre, l'image classique, c'est donc celle qu'on retrouve à la fin du De Fato de Cicéron. Effectivement, donc, vous avez le destin, ce nœud de cause. C'est ce qui va mettre en branle le cylindre, dit Cicéron, et le cylindre, lui, sa réaction, ça sera de se mouvoir conformément à sa nature. Donc, eh bien, il va avoir un mouvement de cylindre, je ne sais pas comment on appelle ça, un mouvement de cylindre. Il va répondre à la pichenette du destin, finalement. Mmh. Sa réaction, ça sera de se mouvoir conformément à sa nature. L'homme rationnel, l'être rationnel, l'homme ou le dieu, l'être rationnel, lui, sa réaction, ça va être de se mouvoir conformément à sa raison, conformément à sa, comment on pourrait dire, au degré de maturité de sa rationalité, d'accord ? C'est-à-dire le fait que un sage, par exemple, va réagir au destin, va réagir à cet élan que lui donne le destin, va réagir selon sa nature, c'est-à-dire il va regarder les circonstances et il va faire le meilleur choix selon les circonstances. Le choix le plus rationnel, s'entend. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire, oui, conforme-toi à ta nature, mais toi, tu as une nature rationnelle. Voilà ce que dit Marc Aurèle. C'est-à-dire que tu as la capacité du choix. Et en choisissant, tu collabores à écrire le destin. C'est ça, parce que le destin, ça n'est rien d'autre que mon action, votre action, l'action de tout le monde. Et c'est cette espèce de tissu d'action qui forme le destin. Alors ça pose un problème qui est d'ordre moral, parce que si en suivant ma raison, eh bien, je commets des actes qui nuisent à autrui, et que comme argument j'avance que ben oui, mais ma raison me commande de tuer autrui, alors que faire ? Je vous propose qu'on prenne une illustration, et vous répondrez ensuite à cette question. Si vous permettez, j'ai certaines questions à vous poser pour commencer. Envoyez vos questions. Mykonox, vous souvenez-vous quand vous est venue l'idée de tuer ? À la naissance, j'ai été jeté dans un puits d'immondice, oublié de Dieu. Que voulez-vous dire ? Ce que je veux dire, c'est que j'ai la violence dans le sang. C'est en moi. Mon père avait ça dans le sang. Son père aussi. C'est mon destin. Dis, tu crois au destin ? Mon destin. Dites-moi, Mickey, comment pouvez-vous regarder un homme ordinaire, un type innocent qui a des enfants, et le tuer aussitôt après ? Qui est innocent ? Vous êtes innocent, vous ? Je suis innocent, ça oui. De meurtre, absolument. Qu'est-ce que c'est que le meurtre, mon vieux ? Toutes les créatures de Dieu font ça d'une manière ou d'une autre. Tenez, prenez la forêt. Il y a des espèces qui tuent d'autres espèces. Notre espèce tue toutes les autres espèces, et la forêt avec. Et on appelle ça de l'industrie, pas du meurtre. On croise beaucoup de gens qui sont déjà morts. Ils demandent qu'à être soulagés. Alors j'interviens, messager du destin. Ah oui, c'est la théorie selon laquelle la victime va au-devant du tueur en série. C'est à ça que vous pensez ? Eh bien, le loup ne sait pas qu'il est un loup, le daim ne sait pas qu'il est un daim. Dieu a voulu que ce soit comme ça. Après Florence Foresti, c'est Oliver Stone qui vient apporter une objection au texte de Marc Aurèle. Ici, un extrait du film Tueur né d'Oliver Stone, donc qui date de 1994. Le personnage Mickey s'embarque avec son ami et va tuer tous ceux qu'il trouve sur leur route. Et là, bien interrogé par les médias, il dit bien qu'il n'est pas responsable de son crime, puisque finalement, ils ont eux-mêmes été victimes d'un mauvais traitement de la part de leurs parents, et qu'au fond, la nature tue bien, elle, les humains et les animaux. Alors pourquoi ne le feraient-ils pas eux-mêmes ? Alors là, on a une sublime illustration de ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Alors. C'est pas l'argument paresseux parce que là. Non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Non. Je parlais de la perversion initiale, c'est-à-dire comment l'entourage peut effectivement pervertir totalement l'être humain dès l'enfance. Et là, on en a une illustration plus que terrible. Oui. Alors. Cette licence de tuer, on pourrait dire, pour reprendre un autre code, oui, cette licence de tuer, elle est le fait ou la pensée d'un insensé. C'est un insensé qui parle, c'est un insensé qui croit qu'il est libre en tuant, et c'est un insensé qui met ça sur le dos du destin. Comment réagirait un sage ? Est-ce que on a la liberté de tuer ? Est-ce qu'on a la... Non, puisque la nature, notre nature profondément, si on la retrouvait, si on en retrouvait absolument l'élan premier, l'oikeiosis dont je parlais tout à l'heure, eh bien, qu'est-ce qu'elle nous conduirait à faire ? Elle nous conduirait au contraire à être bienveillant avec l'autre, à le protéger et à nous rapprocher de l'autre. Donc, première réponse, si vous voulez, notre nature, ça n'est pas d'être tueur. Et notre liberté, ça n'est pas d'être tueur. Et un choix profondément rationnel et conforme à notre nature, c'est-à-dire rationnel, il suffirait de dire rationnel, on a aussi conforme à notre nature finalement, ne nous amènerait pas à prendre le choix de tuer, mais à prendre le choix au contraire de protéger l'autre et d'être bienveillant. Donc ça, c'est une première chose. Le choix, si vous voulez, cette espèce de revendication du choix, un peu paradoxal d'ailleurs, parce qu'en même temps, il se dit le jouet d'un destin. Donc, oui, mais c'est ça qui est intéressant dans l'extrait, c'est que ça met la question de la responsabilité. Voilà. Je suis libre, mais c'est le destin. Au fond, je tue, mais c'est le destin. Bon, je crois que là, on peut voir une double vision et un entrelacement quand même des deux visions du destin. Première vision, effectivement, c'est ce nœud de cause dont je parlais tout à l'heure. Et deuxième vision, qui serait plutôt la vision de l'insensé, c'est cette espèce de chose qui m'oblige à faire ou contre laquelle bon, c'est pas grave, je résiste, voilà, excusez-moi. Je résiste. Donc, soit, finalement, cette image caricaturale du destin qui serait le grand marionnettiste. Oui. Voilà. C'est pas le cas dans le stoïcisme, puisque je viens de dire, le destin, c'est moi qui le construis, c'est vous qui le construisez, c'est nous tous qui le construisons. Alors, évidemment, volontairement ou non volontairement, je dirais. Oui. Mais alors, ça pose quand même la question, il faut y venir, parce que c'est la question qu'on se pose depuis le début de l'émission, est-ce qu'on est libre d'agir contre le destin? En fait, est-ce que nous sommes responsables de nos actions? Parce que là, il faut qu'on arrive à la dimension sociale et politique, qui implique toute la réflexion que nous sommes en train de déplier, Valérie Laurent. Et ça, je crois que cette vision du destin, donc je répète, parce que ça me semble extraordinairement important, le Dieu, c'est quoi? C'est vous, c'est moi, c'est l'air qui nous entoure, ce sont les arbres, etc. C'est ça le Dieu pour les stoïciens. Il n'y a pas de Dieu en dehors, d'accord. Certes, il y a une providence, mais cette providence, elle n'agit pas. C'est nous qui agissons. Et dans ce temps T, maintenant, dans ce cycle du monde là, d'accord, je ne suis absolument pas causé par quoi que ce soit pour faire mes actions. C'est-à-dire, au fond, par mon action, c'est-à-dire par ma réaction à un contexte donné, je coécris le destin. D'accord. Alors, soit je le fais consciemment et volontiers, et dans ce cas-là, Marc Aurèle dirait que je collabore au destin, d'accord, ou les stoïciens de manière générale, je collabore au destin, soit je le fais pas volontiers, je résiste à ce destin, ou j'invente une caricature de destin qui serait là pour justifier mes actions, et là, dirait Marc Aurèle, je me coupe du monde. Je suis une sorte de tumeur, dit-il en 2.16, je crois. Alors, cette vision du destin, excusez-moi d'avoir redit tout ça, mais c'est important. Cette vision du destin, moi je crois, au contraire, appuie énormément sur la notion de responsabilité. Puisque, de fait, si on reprend l'image de tout à l'heure, du cylindre comme cause principale de son mouvement, j'agis conformément à ma nature, je suis toujours responsable de mes choix. Chaque action a été précédée pour les stoïciens d'un jugement, d'un assentiment donné à une représentation de l'action que je vais faire. Je suis donc toujours absolument responsable parce que j'ai dit « Ok, je vais faire cette action. Je juge cette action convenable. Toute action que je fais, je l'ai d'abord jugée convenable. » Ça veut dire que cette action m'est au premier chef imputable. Elle vient d'un jugement qui vient de moi. D'accord ? Donc je suis totalement responsable de toutes mes actions. Les stoïciens diraient, on n'est jamais là où on est pour rien. Alors, est-ce qu'ils diraient jusqu'à dire que la victime va au-devant du tueur en série? Je ne sais pas. Il y a aussi une question précisément de contexte dans lequel on est. Mais en tous les cas, cette réaction que j'ai au contexte, elle m'est à moi-même et à moi seul imputable. Je suis responsable, d'une certaine manière, de là où je suis. Donc en fait, ce dont je suis responsable, c'est du bon ou du mauvais usage de ma raison. Absolument. On pourrait le dire très bien tout à fait comme ça. Et s'il fallait un tribunal stoïcien, ce serait celui-ci. Absolument. As-tu bien utilisé ta raison à ce moment-là? Ai-je bien utilisé la raison? Et Marc Aurèle va plus loin dans le texte qu'on a lu d'ailleurs. Ai-je bien utilisé les matières qui me sont données par le destin? C'est-à-dire les événements, etc. C'est cette matière de mon action. Est-ce que j'en ai fait quelque chose de correct du point de vue de la rationalité? Qu'est-ce que ça donne d'un point de vue politique? À la fin du texte qu'on a entendu, Marc Aurèle dit « Souviens-toi que rien ne nuit aux citoyens par nature de ce qui ne nuit pas à la cité et que rien ne nuit à la cité qui ne nuit pas à la loi. Or, aucun de ces prétendus malheurs ne nuit à la loi et ce qui ne nuit pas à la loi ne nuit ni à la cité ni aux citoyens. » C'est un peu compliqué. Mais c'est en fait, il y a une unité entre le citoyen, la cité et la loi. Absolument. Alors là, le texte est effectivement très complexe. On ne va pas entrer complètement dans les détails, mais effectivement, ce que fait Marc Aurèle, c'est que il passe au fond de la notion d'homme comme citoyen du monde à la notion d'homme comme citoyen de la cité et vice versa d'ailleurs. Lorsque je suis rationnel, qu'est-ce que je fais? J'obéis à ce que les stoïciens appelleraient la loi de la nature. La loi de la nature qui, je répète, ne me nécessite pas du tout. D'accord? Mais j'obéis, je collabore activement à cette loi de la nature. Et je crois que le parallèle avec le citoyen de la petite cité est tout à fait intéressant. Un citoyen, c'est un homme libre. C'est un homme libre qui participe au gouvernement de sa cité. Pareillement, le citoyen du monde, le sage, celui qui a parfaitement compris que ce que veut dire l'action chez les stoïciens, collaborer activement, c'est-à-dire créer activement destin, c'est du même ordre que la décision politique. Et la décision politique est du même ordre que la participation au destin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme un citoyen dans une cité participe en créant, en votant, en proposant des lois, eh bien, le citoyen du monde, dans la cité universelle qu'est le monde, lui aussi participe au gouvernement du monde par son action. Et donc c'est un devoir, c'est clair, d'agir, de s'investir, de s'engager politiquement? Oui, c'est un devoir pour les stoïciens. Hein. Le sage, je l'ai dit tout à l'heure, le sage participera à la vie politique si rien ne l'en empêche. Alors pourquoi Marc Aurèle ne voulait-il pas endosser les responsabilités qui lui sont revenues? Alors là, vous avez de grands débats parce que effectivement, on reproche souvent d'ailleurs à pratiquement tous les stoïciens. Bon, vous parlez de la politique, vous dites qu'il faut s'engager, et en même temps, vous ne vous êtes pas engagé, vous avez préféré la vie d'école, etc. Bon, c'est un peu compliqué parce que certains se sont engagés, certains ont eu une action politique. Dire que Marc Aurèle n'a pas eu d'action politique, ça me semblerait un peu compliqué. Non, personne ne dit ça. En revanche, lui-même dit qu'il y est allé en traînant des pieds, qu'il n'avait pas envie de jouer ce rôle-là. Oui, mais il y est allé. Alors, si vous voulez, on peut reprendre ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'imputabilité. Il y est allé. Si c'est lui, effectivement, qui est l'auteur de toutes les pensées, d'abord, ça serait une première chose à se demander. Vous pensez que c'est pas le cas? Peut-être pas, je ne sais pas. Autant là, je n'entrerai pas dans ce débat. La question se pose. Le texte m'intéresse beaucoup plus. Après, la réalité de Marc Aurèle empereur et le fait qu'il ait voulu qu'il aurait préféré se soustraire à l'action, mais c'est tout à fait intéressant. Il l'a pas fait. Et c'est ça qui est intéressant chez les stoïciens, parce que les intentions, bon, c'est une chose. Qu'est-ce qu'on fait? Les actes. Parce que ce sont les actes qui disent ce qu'on est. Il aurait voulu se soustraire, il s'est pas soustrait, il y est allé. Et il est absolument, de manière insigne, responsable du fait d'y être allé et d'avoir agi comme un empereur et d'avoir agi politiquement. Et c'est ça qui est important. Donc c'est une morale d'action, c'est ce que vous dites. C'est une morale d'action et de responsabilité. Ouais. C'est-à-dire... Non, pas une morale d'intention. Là, on peut distinguer, par exemple, la morale kantienne qui juge si l'intention est bonne indépendamment de l'acte. Absolument, commun. Absolument. Au fond, par exemple, là, ce matin, je suis venu. J'en serais peut-être pas content en sortant, mais c'est ma responsabilité. Je l'ai fait. Mais qu'est-ce qui distingue une action qu'il faut faire d'une action qu'il ne faudrait pas faire? Quelle est la norme? Quelle est la loi? La norme, la loi. Mais c'est une morale d'action, pas toute action. Il ne faut par exemple tuer, ce serait pas bien. C'est tout à fait important. Mais la norme et la loi, ça sera la cohérence avec la cohérence avec la nature. Est-ce que c'est selon la nature, est-ce que ce n'est pas selon la nature? Et le selon la nature ou pas selon la nature, c'est aussi pour les hommes selon la raison ou pas selon la raison. Est-ce que je peux donner une raison? Est-ce que je peux justifier mon acte de manière rationnelle? Ce qu'on appelle le logon. Hein, est-ce que je peux justifier mon acte de manière rationnelle? Avec toujours cette question de la précaution, hein, j'agis toujours sous réserve que finalement il n'y ait pas quelque chose qui détruise le sens hein, de mon action. J'agis donc toujours sous réserve, mais mon action, je dois toujours pouvoir en rendre compte, puisque j'en suis responsable d'ailleurs. Je dois pouvoir la justifier rationnellement. D'accord. Voilà. Si je tue quelqu'un, je devrais pouvoir le justifier rationnellement. Ça va être compliqué avec le stoïcisme, mais en même temps, bon, vous avez par exemple Sénèque qui pourrait parler de ces insensés irrécupérables et qui, à l'époque, il y avait la peine de mort. Eh bien, la peine de mort semblait pour Sénèque, et on est dans les temps anciens à Rome. Il faut vraiment tout recontextualiser précisément. Hein, pouvait sembler une solution. Ce qui aujourd'hui, évidemment, n'en serait absolument pas une. Donc voilà, selon les circonstances, comment je peux justifier le plus rationnellement de mon acte? Ça veut dire que pour bien agir, il faut avoir une bonne connaissance de sa propre raison, de sa propre nature. Bien sûr, absolument. Comme dirait Marc Aurèle, il faut que l'âme soit en elle-même. Pas en décalage, pas mais rien ailleurs. N'est plus difficile. Rien n'est plus difficile que ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de sages, en vrai. Il n'y a pas beaucoup de stoïciens encore aujourd'hui. Pas beaucoup de sages. Sénèque dit qu'il y en a un tous les 500 ans et ça me paraît une moyenne effectivement possible. Non, mais et alors, je dirais, il n'en reste pas moins qu'on peut avoir cet idéal. D'ailleurs, Marc Aurèle dit lui-même qu'il n'est pas impossible hein, d'être sage. C'est pas impossible d'y arriver. Et si c'est un idéal que je forme pour moi-même, que je m'approprie peu à peu, oui, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'être tenté. Essayez effectivement d'agir toujours en ayant cette idée de la justification rationnelle. Essayez d'agir en ayant cette idée que je suis l'acteur. Que je suis pas le jouet même de telle ouais. ou telle, ou de telle ou telle circonstance, ou de telle ou telle chose, que, en tant qu'acteur de mon action, je coécris le destin. Et je ne me retire pas du monde comme ça, comme une espèce de tumeur. Mais le sens même qu'on accorde à la raison, à la rationalité, a peut-être changé depuis la période où Marc Aurèle écrivait. Depuis, y compris dans l'histoire de la philosophie, on fait aussi de la rationalité, ce qui nous conduit du côté obscur de l'existence. La rationalité a pu être mise au service de choses très délétères qui ont pu nuire à l'humanité. Est-ce que là, il n'y a pas quand même un décalage, voire un anachronisme à parler de non, mais c'est raisonnable vrai que... ou rationalité? Oui, c'est vrai que vous avez quelque chose de fondamentalement, qu'on pourrait dire optimiste dans le stoïcisme. C'est-à-dire que la rationalité, finalement, c'est cette harmonie parfaite avec soi-même, avec le monde, hein, cette notion de oui, d'harmonie profonde. Et donc effectivement, mais là on rejoint exactement ce que vous disiez auparavant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement de non-modernisme dans le stoïcisme. Vous avez un bon usage de la raison, un mauvais usage de la raison. Vous l'avez d'ailleurs dans le texte 9.9 qu'on a lu tout à l'heure, lorsqu'il est parlé de celui qui de ce débauché qui vit une vie de plaisir. Il utilise sa raison, ce type, comme tout épicurien d'ailleurs, si c'est un épicurien, il utilise sa raison pour maximiser son plaisir. Horreur pour les stoïciens. Utiliser sa raison pour aller se vautrer dans la débauche, c'est franchement... Mais pourtant, ils ne sont pas hostiles à toute idée du plaisir. On pensées de Marc Aurèle beaucoup d'occurrences du plaisir de la jouissance, même, qui revient souvent. De fait, mais le plaisir est un indifférent, soit une passion, soit un indifférent. Mais là n'est pas la question. Dans 9.9, on a effectivement ce débauché qui cherche, hein, par la raison, à maximiser son plaisir. Voilà un mauvais usage de la raison. Mutatis mutandis, on pourrait dire que celui qui utilise sa rationalité pour faire le mal, être terroriste, ou etc., a un mauvais usage de la raison. Mais qui juge alors du bon et du mauvais usage? Ah, le bon et le mauvais usage de la raison, moi je crois que ça va être à partir du moment, on va parler de bon usage de la raison, à partir du moment où on sera effectivement conforme à ce que... à ce que les stoïciens ont déjà gagé comme étant, et Marc Aurèle notamment, comme étant la nature très très profonde de l'homme, ce premier mouvement, qui est un mouvement à la fois d'amour de soi, le fait de s'aimer, le fait de prendre soin de soi, et contemporainement, le fait de prendre soin de l'autre et d'amour de l'autre. Voilà. On est dans une philosophie fondamentalement optimiste peut-être, mais c'est ça la nature de l'homme pour les stoïciens. C'est cet amour de soi-même et de l'autre. Tout un programme. Merci beaucoup Valérie Laurent d'être venue nous en parler aujourd'hui. Je renvoie à vos ouvrages, La politique stoïcienne au PUF, Stoïcisme et lien social, enquête autour de Musonius Rufus, aux éditions Classiques Garnier. Pour venir faire cette émission, vous avez consenti, ça c'est sûr, vous avez bravé bien des obstacles. On dédie cette émission d'ailleurs à vos étudiants en Master 1 à l'Université Bordeaux-Montaigne. Merci beaucoup. Et on se quitte avec Dalida qui elle-même accepte son destin. Je vois que ça vous plaît, comme disait la Mistinguette, c'est un choix de Nicolas Berger. C'est vrai que j'ai l'accent qui roule, des chansons qui roucoulent. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que je suis italienne. Égyptienne, c'est vrai, c'est vrai. Mais je préfère Joséphine à Cléopâtre, Ménilmontant au cave du Vatican. Comme le disait la Mistinguette, je suis comme le bon Dieu m'a fait et c'est très bien. Pas vrai, pas vrai. On dit que pour de petits riens je bats mes musiciens. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que j'aime bien les beaux garçons, mais dans le fond je préfère les chansons. Comme le disait la Mistinguette, je suis comme le bon Dieu m'a fait et c'est très bien comme ça. Comme le bon Dieu m'a faite, et c'est très bien comme ça. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver Géraldine Mostasavoie pour son journal de la philo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Vous avez des nouvelles de Paul Ricoeur à nous donner. Et des bonnes nouvelles, puisque vient de paraître aux éditions du Seuil le volume 4 de ses écrits et conférences. Après la psychanalyse, l'anthropologie et l'herméneutique, nous avons ici affaire avec ce quatrième volume à des textes sur la politique, l'économie et la société. Des textes qui étaient en résonance directe avec l'actualité de son époque, mais qui ne sont pas sans rapport, au contraire, avec la nôtre. Alors déjà, parce que les choses n'ont sûrement pas tellement changé, nous vivons encore la même époque, politique, économique et sociale. Ces écrits et conférences ont en effet été donnés pour la plupart de la fin des années 80, entre la fin des années 80 et le début des années 2000. Mais aussi et par suite parce qu'il y traite de problèmes spécifiques qui sont encore les nôtres, comme qu'est-ce que la crise ? À quoi bon le socialisme ? Comment cultiver la tolérance en période de diversité religieuse ? Pourquoi avoir de l'argent semble-t-il toujours suspect ? Ou question brûlante, évidemment, comment lire Hegel aujourd'hui ? Et enfin, parce que Paul Ricoeur lui-même est encore très actuel, faisant partie des références les plus citées à la tête de l'État. Paul Ricoeur, si vous m'autorisez à le citer ce soir, a trouvé les mots justes dans une conférence prononcée à Amiens en 1967. Maintenir un but lointain pour les hommes, appelons-le un idéal, en un sens moral, et une espérance, en un sens religieux. Ce soir-là, face à un public où certains avaient la foi et d'autres non, Paul Ricoeur invita son auditoire à dépasser ce qu'il appela la prospective sans perspective. Avec cette formule qui, je n'en doute pas, nous réunira tous ici ce soir, visez plus, demandez plus. C'est cela l'espoir. Il attend toujours plus que de l'effectuable. On l'a beaucoup dit, Emmanuel Macron a côtoyé Paul Ricoeur à la fin des années 90. En cela, le philosophe fait tout naturellement partie des figures philosophiques de sa politique. Que Ricoeur habite la pensée et l'action d'Emmanuel Macron, que ce dernier habille ou légitime ses discours en citant Ricoeur, peu importe ici. Ce qui est en revanche intéressant, c'est de revenir aux réflexions politiques de Ricoeur lui-même. Qu'a-t-il dit et pensé des problèmes que l'on rencontre encore aujourd'hui et qu'un président a affronté ? Comment a-t-il problématisé cette situation qui est encore la nôtre ? Plus que la description ou les solutions à ces problèmes. Ce qui est frappant à la lecture de ses écrits et conférences, c'est bien cette problématisation. Comment il parvient à nommer ces problèmes, à les formuler, de la religion, l'espoir à la condition d'étranger. Ce qui est frappant, c'est donc sa méthode herméneutique, c'est-à-dire toujours revenir au langage, au sens des mots et à leur usage, puis de là, toujours mettre en tension, mettre au jour les paradoxes et problématiser ce qui se joue dans ce recours aux mots. Comme par exemple avec le socialisme, ce texte où Ricoeur fait apparaître que la tension entre son sens hédoniste, la jouissance pour tous, et son sens premier de cri de détresse, ou son texte où il parle de l'argent qui réduit dans l'imaginaire et dans les termes la grandeur à la richesse, ou encore avec la crise comme dans cette archive. D'abord, on peut dire que l'humanité a toujours été en crise. Nous ne sommes pas des animaux programmés génétiquement. Et donc, nous avons à inventer notre conduite, et plus que notre conduite, les règles de notre conduite. Bon, alors, ce qu'il y a de spécifique, c'est qu'il y avait une plus grande stabilité des institutions de référence. Depuis les institutions de la vie économique et du travail, les institutions sociales qui organisent le lien humain, les institutions culturelles, les institutions religieuses. Alors, toutes sont en crise. Alors, qu'est-ce qui est commun à ces différentes crises? C'est la crédibilité dans leur supériorité, c'est-à-dire dans leur autorité. Et je pense qu'il y a là un paradoxe qui tient à l'idée même d'autorité. Une autorité, si nous pensons que c'est quelque chose qui nous est supérieur. Mais en même temps, c'est les supérieurs parce que nous croyons que c'est supérieur. Dégager les différents sens d'un mot, les confronter puis problématiser, c'est la tâche du philosophe. C'est aussi ce qu'on attend d'ailleurs dans n'importe quelle copie de bac philo. Et c'est ce qui apparaît dans ces pages. C'est une bonne méthode d'ailleurs que chacun peut aussi tenter d'appliquer face aux tensions de l'époque. Et pourquoi pas sur des questions privées. Ricoeur, ainsi, dans un de ses textes, demande dans un de ses textes justement dans quelle langue il est permis de parler des états furtifs de bonheur et de répondre, si ce n'est pas dans la morale ou la politique, alors dans la poésie. Et pourquoi pas, merci Géraldine. Le livre de Paul Ricoeur que vous nous conseillez de lire, ça s'appelle comment ? Tout simplement Politique, économie et société. C'est le volume 4 de ses écrits et conférences et on le trouve au Seuil. Tout simplement. Merci Géraldine. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'a aidé comme chaque jour à préparer cette émission. Colomba Grossi, ici c'est Jourda, Géraldine Mosna-Savoie bien sûr, Elsa Le Saulnier, Anaïs Isbert, Lila Bozès, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, c'était Clément Daté à la prise de son, Jacques Gamblin à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur Marc Aurèle et ses pensées à moi-même. Demain, nous serons en compagnie de Jean-Baptiste Gourina et on essaiera de répondre à une question, comment s'exercer à vivre dans le présent, ce qui implique de se familiariser, peut-être de se détacher de l'idée de notre propre mort. Là encore, tout un programme, on aura 50 minutes pour tenter d'y parvenir. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission avec Valérie Laurent sur la question de la liberté et du destin, ou bien celle d'hier avec Christelle Veillard sur le stoïcisme comme art de l'esquive, eh bien c'est très simple, vous vous rendez sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook, où l'équipe des Chemins de la Philosophie sera ravie de vous répondre. On se retrouve demain à 10h, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.